De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1. L'île de Barbuda, ça vous dit quelque chose? C'est une île située dans les Caraïbes qui compte 1600 habitants. Des archéologues ont étudié des artefacts pour retracer l'histoire des êtres humains à cet endroit. Alors, c'est ce dont vous nous parlez, Marie-Claude Dion, aujourd'hui. Bonjour Marie-Claude. François, oui, en fait, je parle des paysages. Les paysages et l'environnement, il faut savoir que ça change tout le temps et que ce soit de façon naturelle ou bien causée par les humains, ou parfois même une combinaison des deux, la nature est vraiment pas statique. Ce soir, je parlerai des Caraïbes, plus précisément, comme tu l'as mentionné, de l'île de Barbuda, qui a fait l'objet d'une recherche archéo-environnementale menée, entre autres, par des archéologues de l'Université Laval, donc d'ici même de la ville. L'article a paru cet été dans le Journal of Human Paleoecology. Et puisque les paysages changent couramment, et c'est assez difficile de voir l'évolution de l'environnement d'une localité. Et l'archéologie a réussi quand même à nous amener quelques pistes de solutions. Tout d'abord, ce qu'on pourrait penser que les gros changements arrivent avec les colons européens lorsqu'on pense aux îles des Caraïbes. Mais en fait, on peut percevoir des changements dès l'arrivée des horticulteurs de l'âge du céramique, qui est un peuple qui vont cultiver une variété de plantes à une petite échelle autour de leur habitation. Et ce peuple a aussi profité de l'abondante ressource marine des environs et ils ont laissé leurs traces, bien entendu. Cela dit, qu'est-ce qu'on sait de ce peuple horticulteur? En fait, les premiers peuples de Barbuda sont de passage il y a 2400 ans et vraisemblablement, ils proviennent du delta de l'Orénoque qui est situé entre le Venezuela et la Colombie, mais ils habitent pas l'île de façon permanente. On voit sur les sites archéologiques beaucoup de vestiges de coquilles du strombe géant qui est aussi appelé la conque et c'est une ressource abondante qu'on retrouve sur les plages du côté sud de l'île de façon saisonnière. Il y a quelques centaines d'années vont s'écouler avant de retrouver des établissements permanents. On les retrouve d'ailleurs près des côtes, ce qui n'est pas surprenant considérant leur exploitation de ressources marines. On verra toutefois que plus le temps passe et plus les installations se retrouvent à l'intérieur de l'île. Et lorsqu'on se penche sur ce qui a été trouvé dans les assemblages archéologiques, on réalise que l'ampleur de la ressource marine est plutôt minime. Leur diète consiste essentiellement d'aliments d'origine végétale. On peut donc expliquer le mouvement vers l'intérieur de l'île parce que les terres devenaient de plus en plus pauvres lorsqu'elles étaient cultivées. En d'autres mots, les hommes vont suivre les terres fertiles. Mm-hmm. Lorsqu'on arrive vers 1300 de notre ère, Barbuda semble être complètement délaissée pour des raisons qui aujourd'hui sont toujours pas vraiment clairs. Peut-être que ça pourrait être dû à une baisse massive de ressources alimentaires. Peut-être aussi que c'est des problèmes qui étaient encourus avec des regroupements humains des environs. Et l'archéologie n'a pas encore su mettre le doigt sur ce qui a causé en fait le départ de ce peuple horticulteur. Et à quel moment voit-on débarquer les Européens dans ce scénario? Bien, on doit attendre à peu près 300 ans, là, vers 1660, pour voir réapparaître une occupation de l'île. Et c'est là, s'il s'agit des Européens qui arrivent. En fait, c'est un petit groupe de gens. Là, dans les archives, on voit qu'il y a une vingtaine de personnes. Et à cette époque-là, Barbuda exporte entre autres des chevaux et des moutons. C'est en fait la famille Codrington, qui est d'origine anglaise, qui s'installe et qui vont gérer l'île entre 1681 et 1870. Et la fonction première, comme je l'ai mentionné, mais c'est l'approvisionnement en bétail, mais aussi quelques cultures là, qui viennent aider les plantations familiales qui se situent à Antigua, qui n'est pas très loin non plus de Barbuda. Et comment procède-t-on pour étudier un tel sujet? Avec quelle source fait-on affaire? Bon, on le fait en combinant l'archéologie environnementale à la paléoécologie et on compare aussi avec des textes qui sont disponibles pour relater les périodes qui seraient plus récentes. Il est possible de voir l'essence du bois qui a été utilisé ou qui a été exploité grâce aux signatures de charbon de bois dans des contextes qui sont archéologiques ou aussi des contextes sédimentaires. Ce type de données-là va permettre de regarder les changements de végétation ou à tout le moins des changements d'activité et les préférences des hommes au fil du temps. Le profil sédimentaire de la carotte qui a été pris du Fresh Water Pond fait à peu près 84 cm de long. Et là, en temps normal, tout dépendant en fait des types de sédiments et du processus d'accumulation, on peut avoir une accumulation entre 10 à 100 ans par centimètre dans une carotte sédimentaire. Ça en fait une mine d'or d'informations là, pour les chercheurs. On étudie des carottes en vertu de différents critères ou éléments comme la stratigraphie, la présence d'ostracodes qui est des crustacés microscopiques ou les gastéropodes ou même des taux d'isotopes d'oxygène. Et comment procède-t-on pour recueillir des données, en fait, ces données archéologiques miniatures? En fait, pour la présente étude, les archéologues ont pris des échantillons d'un centimètre cube à chaque centimètre d'intervalle pour analyser les macro-restes qui font plus de 125 microns, qui restent quand même assez petits. Les sédiments étaient trempés pendant toute une nuit dans un mélange de sodium métaphosphate, ce qui permet en fait de séparer la boue et d'aller chercher les restes végétaux plus facilement puis sans les abîmer non plus. Et c'est par la suite qu'on procède au tamisage du 125 microns afin de recueillir tous ces gros restes-là. Ce qui va passer au travers des tamis, dépendant de l'étendue de la nature de l'étude, on peut retamiser avec un plus petit tamis pour aller chercher des micro-restes, entre autres, ça peut être des graines, des pollens aussi, ou nos fameux ostracodes. Revenons à nos macro-restes. Par exemple, le but étant de retrouver, en fait, de connaître les fragments de charbon qui étaient à l'intérieur de la carotte sédimentaire. Et une fois tamisés, et on les fait sécher pour procéder à l'identification. Et ça ne se fait pas à l'œil nu, malheureusement. On procède plutôt en regardant au microscope avec différentes coupes ou des sections du charbon. Avec ces fragments-là, il est possible de calculer l'âge minimal de l'arbre en comptant les anneaux de croissance, mais il est aussi possible de différencier la partie de l'arbre dont il provenait, comme ça peut être des petites branches ou même le tronc de l'arbre. Mmh. OK. Et qu'est-ce qu'on a pu découvrir avec ces sédiments, Marie-Claude? Grâce à la spectrométrie, on sait que la carotte de sédiment a débuté son accumulation il y a 2000 ans, ce qui correspond en fait sensiblement au début de l'arrivée des premières populations sur l'île. Donc, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Les concentrations de charbon varient énormément selon la profondeur du sédiment. C'est ça qui est intéressant. On passe de l'absence entière de sédiments, de macro-restes de charbon à peu près 905 particules par centimètre cube. Donc, c'est énorme. À la période actuelle d'aujourd'hui jusqu'à 1650, si on fait une chronologie inverse, on rencontre quasiment rien, aucun macro-reste, qui peut être un peu surprenant, considérant qu'on sait qu'il y a des gens qui habitent là présentement. Mais quand on compare avec d'autres sites archéologiques et des sites contemporains d'accumulation sédimentaire, bien, on réalise que le type d'activité qui est entrepris aujourd'hui et le type d'activité qui est entrepris par les Codrington et son ampleur, mais ça reste pas assez gros pour laisser des traces dans les carottes sédimentaires. Quand on recule un peu dans le temps de 1650 à 1345, mais c'est là qu'on va retrouver quelques fragments, mais il n'y en a pas non plus beaucoup. Une grande partie des charbons va se situer entre 1250 jusqu'à 160 avant Jésus-Christ. Et là, mais ça correspond essentiellement au moment où le peuple horticulteur vive sur l'île. Là, on comprend qu'ils ont eu à déboiser les environs, autant pour faire de la place pour leur agriculture que pour utiliser le bois comme matériaux aussi de construction et éventuellement pour faire du feu. Et les données de la carotte de sédiments suggèrent en effet l'utilisation de l'agriculture sur brûlis, qui est un système agraire dans lequel les champs sont défrichés par le feu, ce qui permet en fait de faire un excellent transfert de fertilité puis d'assurer une meilleure utilisation de la terre dans les environs. On pourrait conclure sur, Qu'est-ce qu'on pourrait conclure en fait de cette étude? C'est qu'il n'y a aucun doute, les hommes s'adaptent tout le temps et utilisent leur environnement selon leurs besoins. Et il faut vraiment garder en tête que les changements se produisent tout le temps et que l'archéologie, au final, permet de voir à quel degré et à quelle intensité les changements ont eu lieu, fin de compte. En effet. Et espérons que l'ouragan Irma, qui a complètement dévasté la petite île de Barbuda le 6 septembre dernier, aura épargné ses habitants et les preuves archéologiques de leur passage sur l'île. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude. Nous allons faire une pause publicitaire et on vous revient avec Boucard Diouf et Cyril Barrette qui vont nous parler de reproduction. Restez à l'écoute.